la oui ça madame la garde parler tout monde si madame la garde parler tout monde voisine gamba aïe aïe aïe la oui ça madame la garde parler tout monde yo monde tout ça y fait mes amis pour porter la guérison aïe aïe aïe la oui ça madame la garde parler tout monde il dit yo m'a metté je gadomi derrière contre aïe aïe la oui ça Gadomi n'importe qui l'est, aïe aïe aïe. La oui ça fait, madame la garde parler tout bonnement. Il dit yo m'en mettez Jean Gadomi derrière contre aïe aïe aïe. La oui ça fait, madame la garde parler tout bonnement. Sinon là Gadomi kababé Gadomi n'importe qui l'est, aïe aïe aïe. La oui ça fait, madame la garde parler tout bonnement. Dix boutons de minuit sonné mes amis, madame la garde transformée, aïe aïe aïe. Madame la garde parler, voisinage gamba aïe aïe aïe. La oui ça fait, madame la garde parler, tout bonnement. Il dit yo, oui, moi jouer la jeunesse, moi jouer dans l'esprit, yo, aïe aïe aïe. La oui ça fait, madame la garde parler, tout bonnement. Yo vini, yo tué langue, madame la garde parler, trop aïe aïe aïe. La oui ça fait, madame la garde parler, tout bonnement. Si madame la garde parler, madame la garde transformée, aïe aïe aïe. La oui ça fait, madame la garde parler tout bonnement. Des boutons de mes nuits sonnés, mes amis, madame la garde transformée, aïe aïe aïe. La oui ça fait, madame la garde parler tout bonnement. Madame la garde parler, voisinage gamba aïe aïe aïe. La oui ça fait, madame la garde parler tout bonnement. Yo monde tout ça y fait, mes amis, pour porter la guérison, aïe aïe aïe. Laisse-moi jouer dans les titres, aïe aïe aïe. La oui ça fait, madame la garde parler tout bonnement. Madame la garde parler, voisinage gamba aïe aïe aïe. La oui ça fait, madame la garde parler tout bonnement. Il dit yo, oui moi jouer la jeunesse, moi jouer dans les titres, aïe aïe aïe. La oui ça fait, madame la garde parler tout bonnement. Si madame la garde parler tout bonnement, voisinage gamba aïe aïe aïe. Madame la garde transformée, aïe aïe aïe. La oui ça fait, madame la garde parler tout bonnement. Il dit yo m'a metté Jean Gadomi derrière contre aïe aïe aïe. La oui ça fait, madame la garde parler tout bonnement. Nom la Gadomi kababé aïe aïe aïe. La oui ça fait, madame la garde parler tout bonnement. Si madame la garde parler, mes amis, voisinage gamba aïe aïe aïe. Madame la garde parler trop aïe aïe aïe. La oui ça fait, madame la garde parler tout bonnement. Si madame la garde parler tout bonnement, voisinage gamba aïe aïe aïe. La oui ça fait, madame la garde parler tout bonnement. Madame la garde parler, voisinage gamba aïe aïe aïe. La oui ça fait, madame la garde parler tout bonnement. Il dit yo, oui moi jouer la jeunesse, moi jouer yo dans les titres, aïe aïe aïe. Madame la garde parler tout bonnement. Madame la garde parler, voisinage.